gars, eux comme ex-tagex. Si les MC les froids avec mes phases ex. Mon expérience, ton inconscience. Faut que son bitch conserve une avance. Sens, ma muse, j'ai la technique. High tech, ma clic clac tech. Si mec, faut pas tomber dans le panneau. Tant pis si tu testes, on va te plomber comme un agneau. C'est moi. Shop, le spatium avec Marine, j'entends bien riposter contre Elmi. Ma haine, if j'ai soif, j'ai envie qui teste mon ex, qu'on se fixe. Pas de blême, petit, j'te donne la réplique. Yo, c'est moi, yeah. Je donne conscience.